بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن هؤلاء الذين ابتلوا ابتلاء عظيما الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. مظلوم ضرب، ما حمله ذلك الضرب الذي هو السجن الذي حصل لن يخرجوا؟ هؤلاء يقولون بخلق القرآن، هؤلاء كفار، هؤلاء ظلمونا، أخذوا حقنا، جوعونا. ما قال هذا؟ هذا الإمام أحمد، إمام الزهد، إمام السنة، إمام هدى في زمانه، يصبر على الفقر، كان في شدة من الفقر والله، يصبر على الضرب، يصبر على السجن، يصبر على الأذى، يصبر على كلمة الحق. يريدون أن ينصروه، يريدون أن يقولوا نخرج، قال لا أبدا لا أرى ذلك. قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: أعز الله عز وجل الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى هذه السيرة، خاصة ما يتعلق بالمحنة، محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه. ووصلنا إلى قول صالح رحمة الله عليه، أي نعم المناظرة، المناظرة بين الإمام أحمد رحمه الله وخصمه أو خصمه. قال حنبل رحمه الله، وهو عمه، عم الإمام أحمد، قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد: لقد احتج علي بشيء ما يقوي قلبي أو ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أنكروا الآثار وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم. صحيح، الإمام أحمد رحمة الله عليه تعجب على عناد القوم، يردون الآثار، أنكروا الآثار، أي الإمام أحمد رحمه الله يسد أحاديث بل يقصد القرآن الكريم، وهم لا يزالون على الإنكار والتعطيل. هكذا أهل الأهواء، هكذا أهل البدع، ولو تلست بأدلة واضحة سبدعة السيباسيون اللي بوسا أغجدي الحق. Et ça, ça montre que d'ailleurs, quand tu lis une chose et tu la vis, c'est pas la même chose. L'imam Ahmed, il connaissait قول هؤلاء, la chak. Lakin, quand il a vécu, quand il les a naqish, quand il a entendu leur kalam, قال وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالته. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. Quand tu vis une chose, c'est pas comme quand tu as été informé ou tu la lis. Là. Quand tu vis une chose, tu comprends mieux. Tu comprends mieux, Léana, tu vis cette chose. قال يقول الخصم كذا وكذا فاحتججت عليهم بالقرآن بقوله يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الإمام أحمد parmi ses réponses à هؤلاء ce verset من سورة مريم: يا أبتي، Ibrahim il parle à son père alayhi salatu wassalam: Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. قال الإمام أحمد فذم إبراهيم أباه بأن عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. سمونت خلنا أن الرب إلى متصف بصفات السمع والبصر والكلام وما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد الآن إلى مونت خلنا الرب إلى صفات. فلهذا إبراهيم إلى reproché à son père comment il adore des statues la tasma'a. Cette statue elle n'entend pas. Wala tubsir. Elle voit pas. Wala tughni anhu shay'a. Kadhalik elle lui est d'aucune utilité. Falimada ya'buduha. Al-Imam Ahmad il aura cité hada pour leur montrer anna ar-rabb il a des sifat et parmi les sifat al-kalam. Qad faqalu ay al-qawm shabbaha ya amir al-mu'minin shabbaha ya amir al-mu'minin. Il recite l'aya, il leur explique ils accusent l'imam Ahmed de faire ressembler Allah aux créatures. Quand il leur a dit Yasma' wa yubsir, ta'lamoun anna al-mu'tazila, ils ont une shubha, annahum, si tu dis qu'Allah il a des sifat, pour eux ils ressemblent aux créatures. Falihada qalu shabbaha ya amir al-mu'mini. Et ils ont rejeté sifat al-kalam, limada, ou parmi leur shubha, anna al-insan yatakallam. Ils ont dit qu'on va dire qu'Allah yatakallam alors que l'insan yatakallam. Si on dit qu'Allah y parle, il ressemble aux créatures. Et on a répondu à ce genre de shubahi at-taqrib, taqrib at-tadmuriyya. Wa qala Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah haddathani ba'd ashabina anna ibn Abi Duwad aqbala ala Ahmad yukallimuhu. Pendant le munadara, on est toujours dans le munaqash, le munadara entre l'imam Ahmed et Ahmed ibn Abi Duwad wa man ma'ah, en présence de Amir al-Mu'minin al-Mu'tasib. Qala Muhammad ibn Ibrahim al-Bushanji rahimahullah haddathani ba'd ashabina anna ibn Abi Duwad al-Mu'attil al-Jahmi aqbala ala Ahmed ibn Hanbal al-Sunni yukallimuhu falam yultafat ilay hatta qala al-Mu'tasim ya Ahmed ala tukallim Aba Abdillah illa hajar hatta amam al-Amir. Et ça montre quwwat hada al-Imam. Il sait que Ibn Abi Duwad c'est asl al-Sharr fi hadhihi al-Mas'alah. Et c'est lui qui a labbas ala Amir al-Mu'minin. Et c'est lui qui combat wa al-an bi'ilm wa bi'i'tiqad. Al-Imam Ahmed rahmatullah alayhi Ibn Abi Duwad, il est venu lui parler et l'imam Ahmed dit maltafata ilayh, il l'a pas regardé. Fa amir al-mu'minin qad al-mu'tasim ya Ahmed ala tukallim Aba Abdillah. Abu Abdillah c'est Ahmed ibn Abi Duwad et Ahmed ibn Hanbal kadhalik c'est Abu Abdillah. Fala yaltabis alayk hada ala tukallim Aba Abdillah ay al-amir al-mu'minin al-mu'tasim idi Ahmed ibn Hanbal al-imam. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne réponds pas à Ibn Abi Duwad? Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah lastu a'rifuhu min ahli al-'ilm fa ukallimuhu. Hakadha al-ulama. Il ne perd pas son temps avec wahid farigh. L'imam Ahmad il a répondu, il ne fait pas partie de ahli al-'ilm. Falihada je ne lui parle pas. Il y en a, il ne comprend pas le hujja. L'imam Ahmad il sait très bien que Ibn Abi Duwad c'est un mu'anid. Il sait très bien qu'il n'acceptera pas. لماذا لأن celui qui a appelé Amir al-Mu'minin a éprouvé l'ulama. Comment l'an il va écouter ce alim? Alors que هو Ibn Abi Duwad comme ça يأتي il va appeler Amir al-Mu'minin à tuer l'imam Ahmed. وهكذا تستفيد أنت أن المعاند للحق celui qui accepte pas le حق et qui est à l'ilm t'as pas besoin de lui parler, de le naqash. أولا il est à l'ilm, ce que tu vas lui montrer il le sait. ثانيا il veut pas le haq. فلماذا perd ton temps? Ahmed ibn Hanbal عند الأمير il a refusé de parler à هذا المبتدع الضال. Et tu trouves نحن في هذا الزمن الآن بعض الناس يناقش أهل الأهواء. Alors que ce مبتدع il veut pas le haq. Ça montre qu'en بعض الناس ils sont pas à la منهج السلف. أما منهج السلف c'est هجر هؤلاء. Tu te mélanges pas à eux. الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن سد مناظرة أنه إلى بلشوا رحمه الله إلى امبريزوني إلى كونترا أي غيبون إلى العلم إلى القوة إلى القدرة Et c'est une nusra li dinillah al-an, cette munadara. Amma ba'd an-nas, personne ne le connaît. Il n'a pas de ilm. Il n'a aucun poids. Il n'a pas la force de répondre au shubha. Tu le trouves, il se mélange avec Fulan et Allah. Et en général, c'est lui qui tombe avec al-mubtadi', avec al-munharif. C'est pas al-munharif qui revient au haq. Abadan illa an yasha Allah. Comme les gens, ils ont voulu conseiller, ils ont voulu naqsh ahl al-ahwa et ils ont eu des shubha. قال رحمه الله لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. Ça, ça te montre que d'aller perd pas ton temps monaqasha avec le juhal. لأن أهل العلم ils n'aqashent pas des gens qui ne comprennent pas le hujjah. Comment tu vas naqash une personne sur une chose? Toi tu as des règles, tu as des fondements. Tu vas parler avec Al-Kitab ou Al-Sunnah, il ne comprend pas hadith l'umour. Tu vas lui dire une chose, il va rejeter très simplement. Perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Amma al-munaqasha al-ilmiya avec ahl al-ilm, avec talabat al-ilm, ils comprennent le masail avec hudou, avec adab, et le but c'est de revenir au haq, tayyib, ni'ma. Amma parler avec n'importe qui, tu vas perdre ton temps. Toi tu vas lui citer un verset du Coran, il va te dire, mon père il a fait, mais comment? Ça t'atab. La naqasha pas, montre le haq. استمر على ما أنت عليه. قال وقال صالح بن أحمد فقال المعتصم والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي. الإمام المعتصم يلسي تجور à cette étape الآن que l'imam Ahmed ولو une إشارة il lui fait comprendre أن القرآن مخلوق et il le lâche il le libère. ثم قال أي المعتصم يا أحمد والله إني عليك لشفيق وإني لأشفق عليك كشفقتي على هارون ابني. نعم أي المعتصم يمدخل الآن الإمام أحمد أنه إلى pitié de lui, إلى الله رحمة pour lui. Il veut qu'il ولو une إشارة ولو un signe ولو un mot il comprend القرآن المخلوق et il le délaisse. لكن الأمر سي عقيدة. الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن il défend pas son نفس. Il défendrait son nefs, il sait comment s'en sortir l'imam Ahmed. Une réponse, une phrase, il sort. Lakin la défa' ani al-aqida ani al-din. Qala fa aqul ay l'imam Ahmed utuni shay'an min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Daiman la même réponse. Wa hakada anta as-sunni. Quand tu as une mas'ala, tu dois revenir au Coran et à la sunna. C'est pas le plus grand nombre qu'a raison, comme on répète souvent. C'est pas le plus vieux, c'est pas celui qui a le plus de ilm, c'est pas Fulan, il vient de tel pays. Là. U'tuni shay'an min kitabillah wa sunnat rasulihi. Qala falamma tala al-majlis dajar. Wa qala qumu. Wa habasani, ya'ni indah. Wa Abdurrahman ibn Ishaq yukallimuni wa qala wayhak adibni. Al-an, al-mu'tasim, il commence à perdre patience, il commence à perdre ses moyens, il commence à s'énerver. Il y en a pour lui, ta'lamoun, huwa al-an, il est en position, c'est Amir al-Mu'minin. Et Ahmed, c'est un musulman parmi les musulmans. C'est un imam de la sunna, lakin ha'oula al-an, il lui donne pas son qadr. Ils l'ont enfermé, ils vont le torturer. Enfin, pour lui, al-an, l'imam Ahmed, c'est comme un rebelle. Il ne veut pas lui répondre, alors khasatan, tout le monde a répondu. Illa hadha ar-rajul. Pour lui, l'un, il prend ça de l'entêtement de la part de l'imam Ahmed. Mais l'imam Ahmed, son mawqif, c'est mawqif al-haq. Il ne peut pas revenir. Il y en a kathir min al-nas, il le suit. Et huwa, il sait que sa position, l'un, bi-idhnillah azza wa jal, il préserve l'aqidat al-muslimin. L'un, on arrive à cette étape. L'imam Mu'tasim, il commence à perdre son froid. L'imam Ahmed, il est thabit ala ma huwa alay, aqidat al-salaf. L'un, سيحصل ما حصل. قالت ثم قال يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. لأن الإمام المعتصم يسي كي ببال ليبغي الإمام أحمد إلى باغيبوندي. لأن الناس يبون لا هيبة أمير المؤمنين الفاديمينوية عندهم يبون دير الإمام أحمد إلى تنتت المعتصم يببا هذا. Et s'il le tue, c'est mouchkila, kadhalik. L'an l'imam Ahmed, il a une manzila عند الناس. Le Mu'tasim, il fait tout pour que l'imam Ahmed, ou là où une ishara, il fait comprendre dans le Coran les makhlouq, il le délaisse. Et l'imam Ahmed, il a répondu comme tout le monde. C'est pour ça qu'il lui dit réponds, réponds. Al-Mu'tasim, il peut très bien exécuter l'imam Ahmed très vite. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala hafidha hada l'imam. Qala qultu, ay l'imam Ahmed, u'touni shay'an min kitabillah wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Fatala al-majlis wa qam. Na'am, al-an l'assise elle dure. Et l'imam Ahmed, il répond pas. Il dit pas le Coran les makhlouq, abadan. Al-Mu'tasim, il attend. قال فطال المجلس وقام فلما كان بعد المغرب وجه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي دواد يبيتان نعم قال من أصحاب ابن أبي دواد يبيتان عندي ويناظرني deux hommes parmi les compagnons de ابن أبي دواد المعطل الجهمي. Il passe la nuit avec l'imam Ahmed et le naqsh. Qala wa wajjaha ilayya al-mu'tasim ibn Abi Duwad fi ba'd al-layl fa qala hatta ibn Abi Duwad, il est venu en pleine nuit, fa qala yaqulu laka amir al-mu'minin ma taqul, ay amir al-mu'minin, il demande c'est quoi ta position par rapport au Coran. Qala fa arud alayhi nahwa mimma kuntu ard, ay u'tuni shay'an min kitabillah aw sunnat rasuli. Daiman l'imam Ahmed il est sur sa position. فلما أصبح لندما جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه فقال لهم ناظروه وكلموه لندما نفس الشيء نقاش مناظرة. قال فجعلوا يناظروني فأرد عليهم نفس الشيء. هذا يدي القرآن مخلوق استد شبه الإمام أحمد دائما يغيبهم. قال فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة قلت ما أدري ما هذا. Quand المناظرة quand il cite autre qu'un verset du Coran ou un hadith, الإمام أحمد يغيبهم ما أدري ما هذا. أنا je connais pas ce que vous dites الآن. Quand il cite un verset, on l'a vu Ams, l'imam Ahmed il répond, il leur montre le sawab, ou un hadith. Amma autre que ça, Fulan il a dit, on a entendu, là, l'imam Ahmed il rejette hada. Ma adri ma hada. Hakada sunni. Hakada sunni. Quand tu parles avec une personne, et cette personne, c'est une mas'ala de din, et elle te cite autre que le kitab ou le sunnah, ça ne sert à rien de polémiquer via hada. Ça ne sert à rien. Et al-din il est fondé sur le kitab ou le sunnah. Imma ta dalil, imma ta pa. Amma polémique, Fulan il a dit, on a entendu et des heures sur ça, il n'y a aucune faïda. Ton cœur il va tomber malade. Qala falam yazalu kadhalik ila qurb az-zawal du fajr wa adh-dhuhr. Al-an la nuit elle est passée, tomba le matin jusqu'à az-zawal ay adh-dhuhr. Qala zawal ash-shams, qala ila qurb az-zawal falamma adh-dhajara قال لهم قوموا. الآن خلاص أمير المؤمنين المعتصم الضجر il perd son sang froid, il s'énerve, il leur a dit قوموا. قال وخلى بي وبعبد الرحمن بن إسحاق. Tout le monde est parti, l'imam Ahmed il est resté avec عبد الرحمن بن إسحاق et أمير المؤمنين. فلم يزل يكلمني ثم قال أبي فقام ودخل. Il s'est énervé, il s'est levé, il est parti. قال قال فلما كان في الليلة الثالثة troisième nuit قلت خل قلت أي الإمام أحمد كان ويمان كركشو فلما كان في الليلة الثالثة قلت خليق. نعم قال فلما كان في الليلة الثالثة قلت خليق أن يحدث غدا من أمر شيء. L'imam Ahmed il a senti, il a vu, il s'est aperçu, le lendemain Obama il allait se passer quelque chose. Et là ça fait trois jours, trois nuits, ils essayent de convaincre l'imam Ahmed, ils essayent de lui faire dire que le Coran est makhlouq, et ils ont vu que l'imam Ahmed il est thabit. L'imam Ahmed cette nuit il a pressenti, il a senti que le lendemain il allait se passer quelque chose. قال خليق أن يحدث غدا من أمر شيء فقلت لبعض من كان معي الموكل بي ارتد لي خيطا. أي il a demandé خيط, un fil, une corde. Il a demandé à cette personne qui était avec l'imam Ahmed, l'imam Ahmed lui a demandé ce fil, il a besoin d'un fil. قال قال فجاءني بخيط il lui a emmené ce fil قال فشددت به الأقياب ورددت التكة إلى سراويلي مخافة أن يحدث من أمر شيء فأعتري الإمام أحمد il a senti qu'il allait se faire torturer et la chose qu'il a pensé rahmatullah alayhi avec tout ça il a pensé à attacher sarawil attacher son sarawil حتى لا يسقط ويعتري il avait peur d'être dénudé à un moment il a attaché son sarawil avec l'aqiyad avec les chaînes avec un fil حتى même s'il tombe même s'il lui arrive quelque chose sarawil هذا il tombe pas لا ينكشف لا تنكشف عورته imam في السنة il a pas paniqué rahmatullah alayhi malgré il sait ce qui va il va se passer il sait ce qui risque لكن دائما هو معتني بالصلاة رحمة الله عليه بل بالصيام il a pensé à attacher son sarawi رحمه الله قال فلما كان من الغد في اليوم الثالث on a passé la troisième nuit on est au troisième jour قال وجه إلي فأدخلت ils ont appelé l'imam Ahmed il est rentré dans le bayt قال فجعلت أدخل من موضع إلى موضع وقوم معهم السيوف وقوم معهم الصيات السيوف معروف الصيف السيف دي الصبا الصيات معروف دي فوع الإمام أحمد الآن il est rentré في البيت il y a des choses qui ont changé beaucoup de personnes et dans des chambres il y a des hommes avec des sabres avec des fouets tout ça c'est من باب التهدي الآن الإمام أحمد il passe devant tout cela Amir Mouminin il pense ربما il va faiblir il va dire خلاص القرآن مخلوق même s'ils savent qu'au fond de lui ils pensent pas ça لكن eux ils veulent une parole Une parole, حتى ils le libèrent comme ils ont libéré les autres. قال ولم يكن في اليومين الماضيين les deux premiers jours, il n'y avait pas toutes ces personnes. قال كبير أحد من هؤلاء فلما انتهيت إليه قال اقعد. الإمام أحمد أولا il fait remarquer là les deux premiers jours, il n'y avait pas ces personnes. Il est arrivé en face de Amir al-Mu'minin, il lui a dit اقعد assieds-toi. ثم قال ناظرو مناظرة ناظروه أي montrez lui que le Coran est le makhluq قال كلموه ça c'est Amir al-Mu'minin il dit aux personnes qui sont avec lui مناظرة et le kalam avec l'imam Ahmed قال فجعلوا يناظروني ويتكلم هذا فأرد عليه نفس الشيء تبات اسم من الله هذا الموفق من وفقه الله كم من الناس ils auraient pas patienté في هذا الحال قال ويتكلم هذا فأرد عليه وجعل صوتي يعلو أصواته. Troisième jour. Il y a des personnes avec des sabres, avec des fouets. L'imam Ahmed, il sait ce qui risque. مناظرة. Il rit à la hada. بل قال وجعل صوتي يعلو أصواته. La voix de l'imam Ahmed, elle prenait le dessus sur leur voix. Pourtant, ils sont plusieurs. قوة وثبات. L'imam Ahmed, الآن كأنه il leur montre, je reviendrai pas sur mon قول. بل il lève la voix. على الجميع. رحمة الله عليه. قال فلما طال المجلس نحاني quand ce majlis il est venu ils ont mis l'imam Ahmed à l'écart قال ثم خلا بهم il s'est rassemblé avec ces personnes الأمير قال ثم نحاهم وردني إلى عنده فقال ويحك يا أحمد هذا أمير المؤمنين il dit à l'imam Ahmed ويحك il est en train de lui montrer que la solution qu'il veut, s'il ne répond pas, il sera torturé. Amir al-Mu'minin dit, c'est moi, de mes propres mains, je défais tes chaînes et je te libère. Réponds. Il a répondu. Il lui a démontré le Coran, il n'est pas makhlouq, abadan. C'est une sifa min sifatillah. قال نحو مما كنت أرد فقال لي عليك وذكر اللعن نعم الآن il a perdu son sang froid تماما ce أمير المعتصم quand il a vu que l'imam Ahmed il restait sur sa position فقال لي عليك وذكر اللعن لأنه il est كما قلنا il est en position d'أمير هو il a une fierté il n'a pas l'habitude que des personnes lui tiennent tête هكذا أبدا لكن مسألة عقيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف Tu obéis au gouverneur, fais le ma'ouf. Mais il t'oblige, il te force à citer du kufr, à citer une aqidah qui khalif, aqidah al-salaf, هذا لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال لي عليك وذكر اللعن. الآن استتاب خلاص استتاب يغا بلد مناقشة مناظرة كلام لأن الآن لعنه الإمام أحمد ليس في سابوزيسيون. الآن قال وقال خذوه واسحبوه وخلعوه قال فسحبت ثم خلعت. أي الآن نميد أن أندروا سيكون ما ذكر. قال وجلس على كرسي أي الأمير يساسس على كرسي يعني المعتصم. ثم قال العقابين والصيات. العقابين c'est ceux qui appliquent les sentences, ça vient de العقاب. والصيات c'est les fouets. قال فجيء بالعقابين فمدت أو فمدت كانه يمانك شيء. نعم سهل. قال ثم قال العقابين والصيات فجيء بالعقابين. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي ذكروا أن المعتصم لان في أمر أحمد لما علق في العقابين. Ils ont rapporté هذا أن المعتصم quand il a vu الإمام أحمد attaché en position الآن ils l'ont attaché pour se faire fouetter, il a eu de la pitié. ورأى ثبوته وتصميمه وصلابته. لا شك ستوش هذا الرجل اللي توصل إلى أن أتمنسي إلى دو علم. Personne a renié qu'il avait du علم أبدا. Il est tout seul في المناظرة, il répond à tout le monde. Et il est الآن il est menacé de coups de fouet بل السيف. Et مع هذا il est ثابت. Ça l'a touché لكن المجرم كي avec lui. قال حتى أغرى أو أغراه ابن أبي دواد وقال له إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله فهاجه ذلك على ضربه. شوف على نصيحة شيطانية. Il lui a dit si tu me délaisses maintenant les gens ils vont penser qu'il a eu le dessus et toi t'as faibli, t'as délaissé le قول de ton frère le مأمون. تعلمون المأمون il est mort il n'y a pas longtemps et c'est le frère de المعتصم. Et avec cette nasiha shaytaniya, الآن المعتصم va prendre la décision ferme de torturer l'imam Ahmed. المعتصم dans plusieurs mawaqif qu'on a vu, il était prêt à libérer l'imam Ahmed. الحقيقه هو il était pas حول cette fitna au départ, c'était son frère al-Ma'moun. لكن après la mort de son frère, il est rentré, il a pris le pouvoir et هذا المجرم ابن أبي دواد il lui a donné ses conseils de مجرم أنه أنه يبيرد سون ملك أنه إلى دليس القول دو المأمون أنه أنه فإلى أخي لا ديسيزيون دو كونتينيي إي لو تورتور. قال صالح رحمه الله أي لفيز دو الإمام أحمد قال أبي لما جيء بالصياط نظر إليها المعتصم فقال تؤني بغيرها. Ils ont emmené les premiers fouets, المعتصم il les a vus, il leur a dit remplacer les. ثم قال الجلادين. الجلادين c'est ceux qui fouettent. قال تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين. Ils étaient plusieurs. واحد il s'avance et il donne deux coups de fouet à l'imam Ahmed. قال فيقول شد قطع الله يدك. هذا celui qui fouette il dit cette parole à l'imam Ahmed قطع الله يدك. قال ثم ينحني ويتقدم الآخر فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 19 صوتا قام إلي 19 coups de fouet. قام المعتصم إلى الإمام أحمد. أي الآن il va essayer de le raisonner après les 19 coups. Et تعلمون أن les coups de fouet de هؤلاء نسأل الله العافية. حتى بعض الحاضرين يغابورت دي والله لو ضرب بها ثور سيز اوغي تابي ان طغو بلي كود فو كي ميت ربما سقط. اما الامام احمد الان اللي اتاشي هو ما تظن سي دي كود فو ليجي لا. قال فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 19 صوتا قام الي يعني المعتصم قال يا احمد على ما تقتل نفسك. Il est parti. Amir Mouminin, il s'est levé et il s'est approché de l'imam Ahmed. Il lui a dit, Limada, tu veux tuer ton nefs? Alors que l'imam Ahmed, il n'a rien demandé. Il a aqidat al-sunnah et il ne veut pas répondre à l'al-kalima. Il ne veut pas dire que le Coran est makhlouq. Et c'est sahih. Le mawqif de l'imam Ahmed, c'est haq. Lakin hakad ahl al-batil. Ala ma taqtul nafsak. La haqiqa, il ne veut pas qu'il tue son nefs, il le libère et il le laisse rentrer chez lui. Intaha al-amr. Lakin al-ahwa. Qala inni wallahi alayka la shafiq. الشفقة معروف الرحمة سأقسم للرحمة قال فجعل عجيف ينخشني بقائمة سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم واحد منهم إلى بين السيف يبوسي الإمام أحمد بالسيف إلي وادي أسكو تبو باتر كل موند إتي تو سول alors qu'on répète l'imam Ahmed rahmatullah alayhi il a rien demandé هو. Il n'a rien demandé. Aqidat al-Sunnah ptouliya. Vu que c'est ra'su ahl-Sunnah vidalik al-Zaman, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éprouvé. Et non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable. Bel, il fera triompher l'imam Ahmed ala ha'oula kullihim. Qala, ça te montre, khanna la tafshal, même si t'es tout seul. Même si t'es tout seul, al-Nasru, il est min indillah, azza wa jal. Wa man nasru, illa min indillah. وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم نعم les gens الآن يبغلوا أمير المؤمنين il est debout الإمام أحمد il vient de se faire fouetter et ils lui disent ويلك أمير المؤمنين il est debout il attend et il répond قال الخليفة على رأسك قائم وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله بعضهم كان يقول هكذا أمير المؤمنين il est debout. Alors, il y a sept personnes avec le sabre. Il y a une personne avec un sabre, des personnes avec des fouets. Wahid qal, ya amir mu'minin, qtulhu, exécute-le. Il ne veut pas répondre. Lakin, al-shaytan, ibn Abi Duwat, il yatakallam. Qala, wa ja'ala yaqul, ya amir mu'minin, anta sa'im, fi shams qa'im. La'allahu, il était sa'im ce jour-là, amir mu'minin. Et il était debout, et le soleil. Ils lui ont dit, t'es debout. Le soleil, t'es sa'im. Et finis-en avec ça. Qala, faqala li, waihaki Ahmed, ma taqoul. Fa'aqoul, aïe l'imam Ahmed, u'touni shay'an min kitabillah. Au sunnati rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam, aqoulu bih. Thabat. Un verset du Coran, ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je parle. Vous me démontrez en ce que vous voulez de moi, c'est présent dans le Coran ou dans le Sunna. Qala Qala faraja'a wa jalas wa qala lil jallad taqaddam wa awji'. L'amir al-mouminin, il est retourné à sa place, il s'est assis. Il a dit à cette personne qui fouette à l'imam Ahmed, fouette-le. Fouette-le et plus durement. أوجع أي فلوي مال قال حتى يغيبون قال قطع الله يدك ثم قام الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد أمامك على رأسك قائم وجعل عبد الرحمن يقول أي ابن إسحاق يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع deuxième réponse أهل الضلال ils ont souvent ces réponses. Il lui a dit, Ya Ahmed, qui c'est qui a fait comme toi? Aïe, pourquoi tout le monde a répondu? Pourquoi il n'y a que toi? Tasma'a hadi min ahli al-batil kathira. T'as un qawl, t'as un délil, t'es thabit ala haq. Robama il te dit, mais pourquoi Fulan il a dit? Mais pourquoi il n'y a que toi? Alors que là, aqidat ahli sunnah, anna al-Quran c'est kalam Allah, c'est aqidat ahli sunnah. Lakin eux, l'an, ils lui disent, pourquoi il n'y a que toi qui ne veux pas répondre? Alors que là, c'est les autres qui sont à blâmer la haqiqa. Et nous on a dit, c'est des a'immat sunnah, il n'y a pas de blâme à faire. Ils ont faibli, ils avaient une excuse. Mais s'il y a un reproche à faire, c'est à ceux qui ont répondu, pas à celui qui est à l'al-haq. Maintenant, c'est l'inverse. Tu es à l'al-haq, tu es thabit, tu te reproches d'être à l'al-haq. Alors que là, normalement, il doit reprocher les autres d'être à la batil. Et toi, il doit t'aider. On sera haq, zaliman ou madlouma. وتعاونوا على البر والتقوى لكن هكذا حجة المبطلين الضعفاء ils ont pas de hujjat الان ils peuvent pas le prouver par le kitab ou la sunna واحد lui dit Limada, il n'y a que toi qui fais had. Limada, il n'y a que toi qui tu vas tuer ton nefs. Même il serait mort, rahmatullah alayhi, ça serait min afdal al-shuhada. Ça serait min afdal al-shuhada, rahmatullah alayhi. S'il serait mort, ala dhalik. Wallahu ta'ala a'lam. Qala wa ja'ala al-mu'tasim yaqul wayhak. أبحث عن كلام عبد الرحمن. نعم. قال وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج. أي أمو أنسن أن القرآن لمخلوق أنت لبا. قال حتى أطلق عنك بيدي فقلت يا أمير المؤمنين. avec tout ça تأمل الأدب. الإمام أحمد لا قبل سو سون فخوا يكري إن أنسلت أبدا دائما يا أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين اعطوني شيئا من كتاب الله فرجع إلى يا أمير المؤمنين un verset du Coran الكريم et je réponds. قال فرجع وقال للجلادين تقدموا فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين وينحني. Ils sont revenus. واحد il s'approche, deux coups de fouet, il recule. Un autre il vient, وهكذا. قال وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال أبي فذهب عقلي. الإمام أحمد arrivé à cette étape, il a perdu connaissance, رحمة الله عليه. من شدة الضرب. Ça montre que le ضرب est قوي. لأن te faire fouetter, ça te fait mal, لكن arrivé à un stade, à un niveau, perdre connaissance, c'est que le ضرب il était قوي جدا. Et بعضهم ils ont témoigné. بعضهم تعجبوا كيف هذا الإمام il est pas mort. تعجبوا من شدة الضرب. Les coups ils étaient forts, ils étaient nombreux. مع هذا الله سبحانه وتعالى نجاه. قال فذهب عقلي. الآن خلاص ils peuvent plus rien faire. من الله. Et ça c'est la حقيقة, c'est فرج من الله. لأن tant qu'ils étaient conscients, Amir Mouminin, il lui demande, il essaye de lui faire répondre. Il espère qu'il va craquer, il va dire na'am al-Qur'an makhluq. Lakin al-faraj min Allah, il a perdu connaissance. Il ne peut plus le fouetter et il ne peut plus lui parler, il a perdu connaissance, rahimahullah. Hakada, wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Qala fa dhahaba aqli. Fa afiqtu ba'da dhalik fa idha al-aqiyad qad utliqat 'anni. Il s'est réveillé plus tard, l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, et il lui avait enlevé les chaînes. Qala. Qala. Faqala li rajulun mimman hadar. Ana inna kababnak ala wajhik. Naam. نعم إلهم حتى بعد إلى perdu conscience بعضهم ضربوه. قال أبي قال أي الإمام أحمد فما شعرت بذلك إلى rien senti رحمه الله رحمة من الله. قال فحضرت صلاة الظهر. قال فحضرت صلاة الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى صلاة الظهر. L'épreuve qu'il a eu toute la matinée, رحمة الله عليه. الآن سلوغ دو الظهر. قال فصلى. الإمام أحمد كذلك في الصلاة معهم. قال فلما انتهى من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك. Après الصلاة, cet imam il a demandé à l'imam Ahmed, t'as fait الصلاة alors que le sang, t'as du sang sur ton ثوب. قال الإمام أحمد فقلت قد صلى عمر وجرحه يثعب أو يثعب دما. نعم رحمه الله. عمر quand il s'est fait, il a reçu les coups de poignard par le مجرم أبو لؤلؤ المجوسي, il a fini la salat et le sang il coulait. شوف على استدلال. Ce موقف, tout ce qu'il a subi. Il lui pose une question par rapport au dam, t'as fait salat alors qu'il y avait du sang sur ton seau. Il a répondu bi qissat Umar radiyallahu anhu. Qala Salih thumma khulli anhu fa sara ila manzilihi. Ils l'ont libéré après cette salat, ils l'ont libéré Et il est retourné chez lui, rahimahullah. قال وكان مكته في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. 28 mois. 28 mois, la période quand elle a commencé le mihna, quand il n'a pas répondu, ils l'ont pris lui et Mohammed ibn Nuh, jusqu'à qu'il le libère, 28 mois. Aïe, un peu plus de 2 ans, rahimahullah. Nous, on lit, ça apparaît rapide, ahyanan. Ça apparaît rapide. Amma, 2 ans, 2 ans, fils sijn, et à la fin des 2 ans, la torture, fa rahimahullah, tabatun, tabat. Et on finira baqi. Baqi, c'est pas fini. On finira ma baqi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع تحيتي دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء اثعابي